roi de Salem, Jésus, tu es capable. Prince des cieux, roi des nations, tu es capable. Tu peux tout changer sans être changé, tu es capable. Par ta parole, tu as tout créé, tu es capable. Qui peut, comme toi, sauver les faibles d'un plus fort que lui? Tu demeures la réponse la plus expressive de cœurs qui ne peuvent s'exprimer. Toi seul, Seigneur, par ta parole, traverse les zones interdites aux hommes. Étanche la soif des cœurs en sécheresse. Tu es ce que mon cœur a toujours désiré. Tu es capable. Tu es capable. Alléluia. Mon cœur te dit, Jésus, tu es capable. Tu donnes la vie en abondance. Tu es capable. Tu retiens le pauvre, tu es capable. Du fumier, tu relèves l'indigent, tu es capable. Oh, mon cœur te dit, Jésus, tu es capable. Tu donnes la vie en abondance, tu es capable. Proclame.